Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la réussite, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'élévation et le Dieu de la délivrance. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important, les parfums magiques. Les parfums magiques, l'envoûtement par les parfums. Vous le savez déjà peut-être, de nombreuses tablettes et de nombreuses industries, que ce soit spirituellement, scientifiquement parlant, nous montrent que l'usage et aussi le commerce du parfum en vue d'une utilisation normale ou bien une utilisation magique était connu dès les temps anciens. Dans la Bible, quand nous lisons la Bible qui est la parole de Dieu, nous voyons beaucoup de versets qui ont été cités depuis l'Ancien Testament à propos du parfum. Quand vous commencez par le livre d'Exode, il dit ceci: de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Ça, c'est Dieu qui donne cette institution, le parfum odoriférant. Il dit: tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. L'autel, c'est un endroit où on offre des sacrifices. Et comme Dieu ne fonctionne pas sans sacrifice, même dans le Nouveau Testament, il a toujours fonctionné avec le sacrifice. C'est ainsi que Satan aussi a imité Dieu, comme c'est un imitateur, en même temps aussi quelqu'un qui est véritablement enfoncé dans le domaine de la contrefaçon. Alors, il y a la contrefaçon au niveau du sacrifice et aussi au niveau du parfum. Dieu exige le sacrifice pour que nous soyons délivrés. Premièrement, il a sacrifié son fils pour que nous soyons délivrés. J'ai dit pour que nous soyons délivrés du péché originel. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. C'est un sacrifice. Et il a fallu que Dieu, Jésus-Christ, soit sacrifié, que le sang coule, le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui nous délivre du péché originel, qui nous délivre du péché héréditaire et aussi personnel. Dieu a fait un sacrifice. Mais auparavant, dans l'ancien temps, il a fait un autel. Et sur cet autel, l'homme était dans l'obligation de faire des sacrifices sur l'autel. Le sacrifice était accompagné des parfums. Et le parfum amener l'amour de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, l'attirance. C'est pourquoi on appelle ça un parfum de bonne odeur. Vous voyez, quand un endroit sent bon, on n'a pas besoin de le quitter le plus tôt possible. Ah oui, tu sens bon. Le parfum est donc un instrument spirituel venant de Dieu. Et aussi un instrument satanique. Le diable a utilisé ça pour polluer la société, pour envoûter, pour déposer les envoûtements, pour déposer les malédictions, pour aussi dominer ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ne sont pas déjà délivrés. De nos jours, la science a pu prouver que le sens de l'odorat est le plus puissant de nos cinq sens. Je dis bien, le sens qu'on appelle l'odorat est le plus puissant de nos cinq sens, qui est donc le moyen le plus direct pour véhiculer des informations et même des ordres. Par le canal du parfum, on véhicule des informations sur toi. On donne aussi des ordres aux démons pour t'attaquer et pour te détruire. On donne aussi des ordres au cerveau. C'est pourquoi on utilise parfois les parfums pour envoûter une personne. On peut envoûter une femme, charmer une femme. Le parfum est tellement utilisé. On peut aussi utiliser ton esprit pour exploiter ta destinée par le canal du parfum. Et ceci est fait d'une manière très très rapide. Plus rapide que la vue, que lui dans l'oreille. Alors, que les senteurs peuvent influencer le comportement. Donc, les odeurs, les esprits peuvent les utiliser pour influencer le comportement, pour influencer aussi la vision. et aussi la forme physique que certaines senteurs peuvent donner subitement faim, soif, envie de dormir, du tonus et aussi pour élever la réception et aussi l'excitation sexuelle. Tout ça, ça passe par le parfum. Et le diable le sait. Une senteur perçue inconsciemment une seule fois dans la vie peut tout à coup ranimer des souvenirs très précis. Lorsqu'elle est perçue à nouveau après 10, 20, 30 ou même 50 ans, le cerveau mémorise donc une senteur sans jamais l'oublier. C'est pourquoi les parfums sont tellement utilisés dans le domaine des envoûtements, des sorts qui sont lancés, des malédictions et autres. L'odorat est non seulement le sens le plus influent, mais aussi le sens le plus performant de la mémoire à long terme, dont les esprits utilisent le parfum, parce que les envoûtements qui passent par les parfums durent plus longtemps que tout autre envoûtement dans tout l'univers. Donc, tous les parfums qui sont proposés aujourd'hui par les vendeurs ou bien les pratiquants, les sorciers, on voit beaucoup de marabouts qui utilisent les parfums magiques, les parfums l'esprit de chance, les parfums d'affection, anti-sorcellerie, mais ce n'est vraiment pas l'anti-sorcellerie. Car de nos jours, on n'a plus le droit d'utiliser un parfum. Et tous ceux qui ont utilisé les parfums sont jusqu'à présent envoûtés. S'ils n'ont pas obtenu la délivrance, s'ils n'ont pas aussi identifié la présence de cet esprit qui est passé par un parfum. Alors, s'il y a un féticheur qui t'avait demandé d'acheter un parfum et que toi, tu n'as pas pu confesser cela, déclarer cela, si tu es un enfant de Dieu, naturellement. Alors, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu dois au préalable naître de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, selon ce qui a été expliqué sur la deuxième série de nos émissions, touchant les problèmes de prière. Puisque dans la prière, dans cette prière, nous voulons demander qu'on nous avance l'image. Dans cette prière, donc, nous avons, ça c'est la troisième série de prières que nous commençons. Oui, ça va. Donc, dans cette troisième série de prières, où nous utilisons uniquement le problème des parfums, et ces parfums coûtent absolument cher. De nos jours, beaucoup de fabricants, beaucoup de parfumeurs sont enchaînés dans une sorcellerie, dans le satanisme. Et toute personne qui peut utiliser tous ces parfums entre sous une influence maléfique. On exploite ta destinée sans le savoir. J'ai dit, on exploite ta destinée sans le savoir. Ça devient les parfums ésotériques que vous achetez avec votre argent, sans toutefois s'en rendre compte, sans toutefois mettre les pieds chez un féticheur, chez un marabout, pour dire que j'ai besoin de la chance, j'ai besoin de l'anti-sorcellerie, j'ai besoin du retour au niveau de l'affection, j'ai besoin, je ne sais pas ce que vous aviez demandé un jour à un féticheur. Maintenant, lorsque vous achetez des parfums de nos jours, si vous n'êtes pas né de nouveau, je mets cela entre guillemets, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez comprendre que le jour où vous avez utilisé ce parfum, ou bien le jour que vous avez décidé de prendre, d'acheter, je dis bien d'acheter des parfums, vous aviez aussi engagé votre âme, votre esprit, sacrifié votre âme et votre esprit à Satan. C'est pas un problème d'attirance. Où les gens disent que, oui, moi je suis allé chez un féticheur, il m'a dit d'acheter un parfum parce que je pouvais attirer un homme, attirer une femme, ou bien bloquer. Non. J'ai dit, tu as acheté avec ton argent, dans un grand magasin, où ça coûte cher ou ça ne coûte pas cher. En fait, ces parfums sont utilisés 2 à 3 fois par jour. Ou bien 1 fois par jour. Ou bien on l'a utilisé 1 seule fois par an. 1 seule fois par mois. Progressivement. Et plus les jours passeront, vos énergies, dont l'énergie spirituelle donnée par le Saint-Esprit si vous êtes enfant de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu utilise les parfums, sans toutefois les sanctifier, sans toutefois les purifier, par le sang de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle généralement les énergies négatives qui vont se manifester et qui vont utiliser vos étoiles. Non, les énergies ici, c'est quoi? Ce sont les démons. Dans le langage ésotérique, chez les païens, on appelle ça énergie, mais ce sont des esprits. Et quand vous achetez un parfum, ces parfums ont déjà été sélectionnés par le parfumeur satanique et démoniaque. Et lui, il va obtenir des effets désirés. Qu'est-ce qu'il désire? Il désire vous bloquer pour prendre vos chances, comme on le dit généralement dans le monde, des chances. Mais la chance n'existe pas. Pour exploiter votre destinée financière. Pour vous empêcher de réaliser les buts que vous recherchez dans la vie. En ce qui concerne donc les parfums de protection, entre guillemets protection, mais vous n'avez jamais été protégé. Si quelqu'un, un féticheur, un sorcier, vous avez dit un jour, amenez-moi un parfum, il a introduit un démon de contrôle dans votre vie. Et ces démons agiront de manière de plus en plus puissante. Et ils vont renforcer vos malédictions, vos envoûtements. Ils vont même attirer d'autres démons, parce que le parfum attire des démons, attire l'esprit. La Bible dit, au sujet des parfums, Dieu respire une odeur agréable. Mais pour le diable alors, nous allons revenir dans la parole de Dieu. Puisque déjà, quand vous entrez dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit? Philippiens, chapitre 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Hein? Vous voyez comment chez Dieu, c'est un ensemble. C'est un ensemble chez Dieu. Et alors chez Satan, c'est aussi un ensemble. Sacrifice et parfum. Chez Satan, c'est la même chose. Ces deux choses ne peuvent jamais se présenter spirituellement séparées. Non. Un sacrifice, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand vous regardez un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu dit quoi? Lorsqu'il a institué le système que nous appelons aujourd'hui l'autel, il dit sur cet autel, on fera brûler des parfums, odoriférants. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera donc les lampes. On fera brûler ainsi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera les parfums du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Parfum étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui es déjà enfant de Dieu, et tu continues à utiliser les parfums étrangers, ça veut dire les parfums qui ont été fabriqués par des satanistes, par des sorciers. Ça va provoquer des blocages. Et ces parfums vont vous empêcher de réaliser beaucoup de choses, les buts dont vous vous êtes fixés. Et ça va solliciter également votre étoile, comme on l'appelle chance. Ça va vous éloigner aussi de la personne que vous aimez, que vous pouvez épouser, une femme. C'est pourquoi on a éloigné une femme positive, on a amené plutôt une femme négative par le canal du parfum. C'est un envoûtement. C'est pourquoi tu as fait un mauvais mariage. La femme aussi a fait un mauvais mariage, puisque on a utilisé le parfum pour charmer cette dernière. Et n'en parlons plus sur les cadeaux touchant les problèmes de parfum. Les gens reçoivent toujours des cadeaux. Quelqu'un voyage, garde-moi un parfum. Alors que c'est un rituel. On a tout simplement travaillé. Ces parfums sont issus des traditions magiques. Des traditions magiques. Et ça permet que votre corps soit automatiquement et rapidement offert en sacrifice à Satan. Parce que les deux marchent ensemble, parfum et sacrifice. Parfum et sacrifice. Alors, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu qui est la Bible, lorsque Paul dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez même, Philippiens, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique, il y a deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il ajoute après, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon la richesse, sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul qui se réjouit des dons de ses enfants, genre les enfants qu'il a amenés au Seigneur, en se réjouissant de la provision souveraine de Dieu, il recherche des dons. Il dit, je ne recherche pas des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est ainsi que, par le canal des parfums, et aussi, je dis par le canal des parfums, le diable reçoit des sacrifices. Le diable reçoit des sacrifices, comme à la fin de chaque année, au début de chaque année, il a reçu le sacrifice depuis ta naissance jusqu'à ce jour, il a reçu ton mariage. Il a reçu ton argent comme sacrifice, pas le canal du parfum. Il a reçu beaucoup d'autres choses. Vous aviez vu sur votre petit écran les parfums qui portent même les noms des diables, les noms des démons, les noms mystiques. Et vous prenez ça avec joie, vous mettez sur vous. Mais vous ne savez pas que c'est un autel que vous ne voyez pas et que vous êtes en train d'offrir votre corps comme un sacrifice à cet autel. Comme tu viens donc d'offrir ce sacrifice, mais l'apôtre Paul, lui, se réjouit sur un principe, le principe voulant que ceux qui donnent généreusement seront bénis, est maintes fois enseigné dans la parole de Dieu. Celui qui donne, comme 2 Corinthiens, chapitre 9, celui qui donne, reçoit. À partir du verset 6, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Mais l'apôtre Paul enseigne ici, il dit, c'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est donc un principe. Ainsi, Salomon a écrit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Selon Proverbe chapitre 11, versets 24 à 25. C'est cette façon de donner que Paul appelle un sacrifice. Voilà le sacrifice. Mais le sacrifice de nos jours n'est plus accompagné des parfums. Dans l'ancien temps, c'était accompagné des parfums. Mais le diable, lui, il continue à utiliser le parfum pour obtenir ton corps. Parce que quand tu achètes le parfum, tu donnes de l'argent. Donc c'est un sacrifice. Et ici, l'apôtre Paul a reçu de l'argent. Lui, il a reçu, il dit Dieu béni. Et quand tu achètes le parfum, qui reçoit? C'est Satan parce que c'est un voleur. Toi, tu achètes, tu donnes de l'argent à ce commerçant, à ce fabricant. Et en même temps, ce qui se passe, vous voyez ce parfum qui s'appelle diabolique. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser, qui achètent, qui disent même que le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. L'overdose. En utilisant ce genre de parfum, ça veut dire que vous aviez sacrifié votre vie. Même si ça porte le nom du Saint-Esprit. Mais le fabricant, c'est qui? Quelle est donc l'identité spirituelle du fabricant de ce parfum? Même si ça porte le nom du Saint-Esprit. C'est pas là le problème. Puisque ça porte le nom du Saint-Esprit. Mais son identité spirituelle. Tel qui donne, libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante, dit la Bible, sera lui-même arrosée, selon Proverbe 11, 24 à 25. Plus loin, il ajoute, c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Qui rendra à qui? Qui rendra à celui qui donne. Selon son œuvre. Donnez, dit Jésus, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. C'est Luc chapitre 6, verset 38 qui le dit. Et aux Corinthiens, Paul a écrit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'est dans le sacrifice. Mais le parfum ici, c'est tout simplement la vie spirituelle, ta vie spirituelle. Ce n'est plus le parfum que vous voyez qui est fabriqué. C'est ta vie qui n'a plus de péché. C'est-à-dire, tu as été lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a détruit le péché originel. Il a détruit aussi les péchés héréditaires puisque tous ces deux sortes de péchés ont été identifiés par toi-même. Ils ont été confessés. Et puis, suivis des autres péchés personnels. Donc, ta vie devient un parfum de bonne odeur. Et tout ce que toi tu vas donner, tu donnes ton corps physique pour servir Dieu et ça devient un sacrifice. Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Non seulement le corps physique, ça ne veut pas dire que tu dois être égorgé. Donc les parfums dans l'Ancien Testament marchaient avec les sacrifices. Et dans le Nouveau Testament aussi, le vrai parfum c'est ta vie. Le vrai parfum c'est ta vie, ce n'est plus le parfum que tu mets sur toi. Il y a des gens qui mettent le parfum sur lui, mais étant rempli des péchés, des malédictions, des démons, des envoûtements. Mon démon, mon amour. Voilà le parfum. Mon démon, mon amour. C'est devant vous. Mon démon, mon amour. Et quand tu mets ça, ça veut dire que tu es d'abord païen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas prendre un parfum comme ça et mettre sur lui. Et je précise, c'est pas parce que le parfum porte le nom démon que ça véhicule les démons. Oui, ça véhicule les démons. Mais il y a d'autres parfums qui ont été fabriqués par les hommes et les femmes travaillant avec Satan, ne portant aucun nom d'un démon ni de Satan, mais des noms naturels, normaux que vous connaissez. Mais ce parfum véhicule des démons, anges ou démons. Voilà encore un autre parfum. Mais qu'est-ce qui peut vous attirer à acheter ce genre de parfum? Les parfums, aujourd'hui, c'est pas l'odeur nauséabonde que tu vas dégager lorsque tu arriveras quelque part, mais il faut que tu puisses répandre d'abord une odeur qui est le bon comportement, une sanctification justifiée par Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle sacrifice de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, c'est ta vie. Viens s'ajouter tout simplement l'acte que tu poses. Quand il dit « donne ton corps comme un sacrifice », Romains chapitre 12, ça veut dire que tu dois servir l'Éternel. Il y a des gens qui veulent être délivrés, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Évangélisation, zéro. Servir Dieu, là où il va à l'église, zéro. D'autres restent devant leur poste téléviseur, prétextant que on a parlé mal contre tel serviteur, ou bien tel serviteur m'avait déçu, je reste à la maison, je vais écouter toutes les prédications des gens, des serviteurs qui vont apparaître sur les écrans, sur Internet ou autre. Mais où est-ce que tu sers Dieu? Tu le sers à quel niveau? On sert l'Éternel dans une église locale. Dans une église locale, que ce soit balayer, que ce soit construire, que ce soit développer cette église par l'arrivée des nouveaux croyants. Parce que l'évangile, comme je le disais hier, doit d'abord être annoncé. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que l'évangile soit annoncé? C'est ça, servir Dieu. Pourquoi je vous parle tous les jours? Les gens attendent réellement ces vidéos. Alors, savez-vous comment j'ai fait pour vous envoyer cette vidéo? Quelles sont les dépenses que moi j'ai engagées? Ça, c'est des sacrifices que je suis en train de faire. Et toi, tu fais des sacrifices où? Dans ta vie n'est ni un parfum de bonne odeur, et tu ne poses pas des actes sacrificiels. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Il y a deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre part, dans votre compte. Ce n'est pas que je recherche les dons. Il ne recherche pas les dons. Pas du tout. Quand il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Paul lui-même est un exemple de quelqu'un qui donnait généreusement aux pauvres. De quelqu'un qui pourvoyait aux besoins. Il dit, ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Ainsi qu'il le rappelle aux anciens d'Éphèse. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, moi-même qui passais, pas seulement Paul, je suis un exemple. Le gros bâtiment que nous venons de prendre ici, l'argent sort d'où? Sort de notre compte personnel. De notre compte personnel. Ça, c'est ce qu'on appelle des actes sacrificiels. En se servant donc du langage sacrificiel de l'Ancien Testament, Paul décrit le don des Philippiens comme un parfum de bonne odeur. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les parfums. Quelqu'un va te dire, va acheter un parfum, je veux bénir, tu vas mettre ça sur toi. Dis non. Ça, c'est de la sorcellerie. Et si tu as fait ça auparavant, tu dois demander la délivrance. Nous allons commencer les délivrances maintenant. Si un féticheur t'avait dit, va acheter un parfum, monsieur, tu es envoûté jusqu'à présent. Si un sorcier, un spirit t'avait dit, achète un parfum, apporte-moi ce parfum, nous allons attirer telle femme, nous allons attirer tel homme. Ce sont des démons. Tu forces la volonté d'une personne pour t'aimer. Toi-même, tu es démon, toi-même, tu es sorcier, et tu vas mourir. Ton argent va mourir, ton étoile va mourir, et tu as sacrifié ta vie à Satan. Tu as d'abord donné ta vie à Satan, en allant acheter le parfum pour attirer, pour envoûter, pour charmer une femme, pour charmer un homme. Tu as d'abord donné ta vie à Satan. Toi-même, tu as donné ta vie à Satan. Le jour où le féticheur, le spirit t'avait dit, va acheter. Et beaucoup de personnes aussi, païennes comme enfants de Dieu, ont donné leur vie à Satan en achetant. des parfums fabriqués soi-disant pétrole. Oui, c'est des parfums qui coûtent cher. Vous savez, quand je mets ça, quand tu arrives quelque part, tous les regards se tournent vers toi. Tu sais pourquoi tous les regards se tournent vers toi? Tu ne le sais pas. Peut-être. La Bible dit, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 15, verset 16. Pierre rappelle aux croyants qu'ils sont saints, qu'ils sont un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre parfum. Nous sommes une bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi je commence d'abord par vous enseigner avant de commencer les prières. Parce que les gens prient parfois. Comment tu peux prier pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sa vie un sacrifice? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Le sacrifice veut dire ici, je donne ma vie au Seigneur. Il me délivre du péché originel, puisque moi-même, je détecte la présence du péché originel dans ma vie, et je le confesse qu'il existe, et que je suis fils de Satan depuis que je suis né. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est pourquoi tu dis, je ne suis pas fils de Satan, mais tu es fils de Satan par ta nature pécheresse, madame, monsieur. On ne va pas à l'église parce qu'on est pauvre. On ne va pas à l'église parce qu'on est malade. On va aller pour donner sa vie à Dieu, pour que Dieu me délivre par le sang de Jésus. Dieu me délivre de mon identité. Je suis né avec une identité. L'identité, c'est quoi ici? L'identité spirituelle qui est l'identité de Satan. Je suis fils de Satan. Je suis fils de qui? Fils de Satan. Fils des démons. Fils des esprits. Fils des esprits impurs. Donc c'est ce qui se passe. Tu peux recommencer. De nos jours. Paul sait que non seulement les Philippiens recevront des bénédictions spirituelles au ciel grâce à leur générosité, mais également que Dieu pourvoira à tous leurs besoins physiques. Et c'est pourquoi l'autel était institué auparavant. Parce que par le canal de l'autel, Dieu pourvoyait aux besoins de ceux qui faisaient des sacrifices sur l'autel. Et en même temps, ils étaient agréables à Dieu. Dieu a commencé à les aimer. Comme le parfum est aussi utilisé dans le monde satanique pour attirer, soi-disant attirer. Mais ça n'attire personne. C'est le rejet. C'est pourquoi vous avez les démons de rejet. Vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté par la société. Vous êtes rejeté par toutes les puissances, par votre mari. Vous êtes rejeté par votre épouse, par l'entourage, par le patron. C'est comme ça que le démon du rejet passe par le parfum. Et le diable vous trompe que c'est l'attirance. Non, c'est pas l'attirance. Vous voyez, quand vous charmez quelqu'un, 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, cette personne va commencer à vous haïr. Ça, c'est ce qu'on appelle le revers de cette médaille. Va commencer à vous haïr. C'est le démon. Le démon qui a été placé. Il y a des parfums aujourd'hui que toi tu as utilisés qui ont entraîné le rejet dans ta vie. Dans le cadre professionnel, tu es rejeté. Dans le foyer, rejeté par le mari. Tout acte que tu poses, c'est comme si tu avais des cacas sur le corps. Et tu commences à accuser les sorciers de part et d'autre. Or, tu as été envoûté par les parfums que toi-même tu as achetés. Et tu as acheté ces parfums chers. Quand tu arrives à l'église, on te dit, donne 100 euros, donne 50 euros. Tu dis, hey, on prêche toujours de l'argent ici, on prêche ici. Mais regarde la pauvreté, la misère qui est sur toi. Tu vas dépenser l'argent, 200, 400, 1000 euros pour un parfum. Et à cause de ce parfum, tu as reçu tous les démons, tous les esprits impurs sur toi. Le rejet. On reçoit dans la bénédiction physique ici-bas, les Philippiens ont donné de leur bien terrestre en sacrifiant pour soutenir le serviteur de Dieu, à savoir Paul, En retour, Dieu pourvoira amplement à leurs besoins. Il ne leur devra rien. Ayant sémé abondamment, ils moissonneront aussi abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Ayant honoré l'Éternel avec leurs biens et avec leurs prémices, de tous leurs revenus, leurs greniers seront remplis d'abondance et leurs cuves regorgeront de mou, selon Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Je voudrais demander à notre maman de chercher ce chapitre, ce livre, Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Elle va lire ça tout à l'heure dès qu'elle va trouver. Alors, les Philippiens, ils découvriront qu'il est impossible de dépasser Dieu en générosité. Parce que quand toi tu donnes, Dieu va te donner plus encore. Au fur et à mesure que toi tu dépenses chez le diable, et le diable t'appauvrit. Le diable va t'appauvrir, diable bleu. Vous savez combien d'argent les gens dépensent, le commun des mortels dépense pour acheter des parfums, des tonnes d'argent. Pour être envoûté. J'ai dit, pour être quoi? Envoûté. Par les puissances des ténèbres. Les puissances démoniaques. De nos jours, beaucoup de personnes, quand vous arrivez dans leur maison, dans leur toilette, mais va voir le nombre de parfums qui sont entassés dans leur penderie, quand ils voyagent à l'aéroport, cette industrie marche. L'industrie satanique, partout où Satan exerce son pouvoir, vous allez comprendre, si vous avez le Saint-Esprit, possession. Proverbe 3. Sur votre petit écran, c'est écrit quoi là? Possession. Je vais demander à nos techniciens de ramener l'image un peu. Possession, le parfum qui vient de... Possession, ça veut dire que vous êtes possédé. Proverbe 3, à partir du verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout... ton revenu. Ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Mais toi, tu honores l'Éternel qu'avec ta bouche. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et oh Seigneur Jésus, il faut entendre comment les chrétiens de nos jours prient. C'est-à-dire, ils alignent des mots. Puisqu'ils maîtrisent l'anglais, le français, ils alignent des mots. Comment ils adorent l'Éternel. Mais en adorant l'Éternel, où est le sacrifice? Et tes cuivres regorgeront de mou. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Mais les sorciers vous diront, vous n'avez plus besoin de donner. Et après, vous allez commencer à leur envoyer de l'argent. Ayant honoré l'Éternel avec leurs biens et avec les prémices de tous leurs revenus, leurs greniers seront remplis d'abondance. Pendant ce temps, toi qui as utilisé le parfum, tu seras délivré ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Où on a utilisé le parfum. Quelqu'un a mis le parfum pour venir, par exemple, te demander quelque chose. Un parfum de possession. Un parfum de vol. Un parfum d'envoûtement. Vous pensez qu'on a placé ce nom par hasard? Possession, la plus mystérieuse des eaux jeunes. La plus mystérieuse des eaux jeunes. C'est pourquoi, quand vous affrontez dans une situation semblable à celle de Job, où vous désirez que Dieu manifeste sa puissance, vous devez commencer par régler votre vie. C'est-à-dire, vous donnez votre vie au Seigneur, et puis vous enlevez tout ce qui est comme péché tout autour, pour que votre vie puisse devenir un parfum de bonne odeur. Mais alors, si votre vie est déjà un parfum, il faut ajouter à ce parfum le sacrifice. Tu donnes ton corps pour servir l'Éternel dans l'assemblée où tu persévères, premièrement. Et deuxièmement, ton argent, tes biens deviennent quoi? Des sacrifices que tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les épreuves, les tentations, par exemple. Je répète, les épreuves, les tentations et aussi les adversités de Job, ainsi que son ultime triomphe, est suffisant à la restauration de toutes ses pertes établies par la parole de Dieu. Il avait perdu toute sa famille, il a perdu toutes ses richesses, il a tout perdu. Et même sa femme, parce que sa femme a dit un jour, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire que le cœur de cette femme n'était plus sur cet homme. Il a tout perdu. Vous savez que avec le parfum, tu as tout perdu dans la vie. L'envoûtement par le parfum. Et comme c'est une odeur qui traîne partout où tu vas, c'est pourquoi d'autres sont partis d'une ville à l'autre. Ils se vivent toujours dans la misère, dans des problèmes. Les problèmes de santé, alors, c'est grave. Les maladies cardiovasculaires, le système nerveux. Et comme le parfum touche ta peau, ça pénètre, ça détruit le système de défense. Scientifiquement prouvé, et en même temps spirituellement prouvé. Les démons qui détruisent aussi ton système de défense spirituel passent par le parfum. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés. Protégés. Les démons ont un accès direct dans votre vie à cause des parfums que vous utilisez, parce que ces parfums ont une racine diabolique. Tu achètes un parfum qu'un sataniste a utilisé. Pourquoi l'apôtre Paul va prendre soin d'éloigner, de dire aux gens d'éloigner tout ce qui était comme acte magique, livre et autres. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 18 à 19. Et la Bible précise que c'est ainsi que la parole, nous allons lire aussi par la bouche de notre maman, Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, verset 19, et aussi le verset 20, si je ne me trompe pas. Et vous allez entendre qu'est-ce qui a amené la propagation de l'évangile et la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de ces gens, parce qu'ils avaient éloigné tout ce qui venait de Satan de leur vie. Vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous continuez à utiliser tous les parfums qui viennent de Satan, qui viennent des démons, fabriqués par des démoniaques, par des industries qui ont sacrifié des industries du parfum, qui pratiquent la sorcellerie pour vous envoûter, pour exploiter des attirances. C'est pourquoi même aujourd'hui, tu meurs de faim, tu achètes des parfums qui coûtent cher. Il est écrit. Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du verset 19. Oui. Je vais commencer au verset 18. Oui. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Confesser pour avoir un parfum de bonne odeur, il faut dégager toutes les mauvaises odeurs. C'est quoi? Ce sont des péchés. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Voici les arts magiques. La sorcellerie dans l'industrie du parfum. Et ayant apporté leur livre. Les comment de nos jours, des enfants de Dieu, se disant enfants de Dieu nés de nouveau, je ne parle pas des chrétiens. Des chrétiens qui sont catholiques, marabes, catholiques, adventistes et protestants, machin, tout ça, c'est des chrétiens entre guillemets. Chrétien n'est pas un nom inspiré par Dieu. C'est enfant de Dieu. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit il leur a donné le pouvoir de devenir chrétien. Ayant apporté leur livre, les brûlaient devant tout le monde. Et ils apportaient leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et toi, tu vas me dire, oui, mon parfum, là, m'avait coûté cher. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous savez, ce parfum, son odeur attire les démons sur toi. Attire les démons. On va prier tout de suite. Et toi, tu vas prendre ce parfum, tu mets sur toi. Qui l'a fabriqué? Qui? Sur quel hôtel il est sorti? Quels sont les démons que ce parfum véhicule? Après, tu vas dire, oui, mes affaires ne marchent pas, ma vie ne marche pas, dans mon foyer, ça ne marche pas, dans ma vie professionnelle, ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Tu as des pactes, des alliances avec les démons tous les jours, au fur et à mesure que tu mets ça. Quand tu arrives quelque part, tu sens mauvais. Mais physiquement, tu sens bon, mais spirituellement, tu sens mauvais. Tu as le rejet. Ce sont des démons de rejet. Dans la vie professionnelle, tu es rejeté. Dans le foyer, tu es rejeté. Dans tes relations, tu es rejeté. Partout où tu vas, tu sens mauvais spirituellement. Mais tu sens bon physiquement, mais spirituellement, tu sens mauvais. Tu as le rejet. Tu as le rejet. Pourquoi tu n'entends pas ça? Notre rédempteur est Dieu ou le Messie. Le mot rédempteur signifie racheter. Il nous a rachetés. Alors, toi, tu as été racheté par lui et tu vas de nouveau. Pourquoi il nous a rachetés? Parce que Adam avait désobéi. Toi aussi, tu continues à désobéir. C'est ainsi que la parole du Seigneur, nous lisons. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. Croissait. Où est la croissance dans ta vie? Dans le foyer, il n'y a pas de croissance. Dans le foyer, les sentiments positifs ne croissent pas du tout. Ne peuvent pas croître. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces plafonds. Tout ce que, dans les finances, il n'y a pas de croissance. En puissance et en force. La parole du Seigneur croissait. Même tes dons, les dons spirituels. Comment Dieu, les mêmes pratiques de sorcellerie. Moi, j'utilisais les parfums quand j'étais là, dans le royaume de Satan. Je fabriquais des parfums pour les gens qui venaient me voir. Je mettais des démons, des esprits impurs là-dedans. Quand il mettait ça, il est fier. Je dis, toi-même, va acheter tel parfum. Amène-moi le parfum. Et tu amènes ce parfum, soi-disant, tu vas le retirer demain. Après avoir reçu des démons, tous les démons. Pourquoi? Parce que Satan, c'est le maître de la contrefaçon. C'est notre vie qui attire. Lorsque tu es déjà lavé par le sang de Jésus, lorsque tu es déjà sanctifié par le sang de Jésus, tu attires tout le monde. Tu attires la bénédiction. Et lavé par le sang de Jésus, tu ne peux pas attirer l'argent, tu ne peux pas attirer l'élévation. C'est lorsque tu mettras un sacrifice sur l'autel, et c'est ton corps qui est l'autel, quand tu prends un sacrifice présent, c'est-à-dire, tu donnes le sacrifice, comme le sacrifice était posé sur l'autel dans l'Ancien Testament, et quand Dieu descendait, il ne descendait pas sur la personne qui offre le sacrifice, il descendait sur l'autel. Il consumait donc le sacrifice, il prenait le sacrifice, il bénissait la personne qui a déposé le sacrifice. C'est comme ça aussi, c'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent. Les fruits qui abondent dans votre compte. Jésus est vivant. Donc aujourd'hui, j'annule mon nom et ceux des membres de ma famille. Voilà comment tu vas commencer à prier tout de suite. Tu dis, j'annule mon nom et ceux des membres de ma famille du registre de la mort avec le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Le registre de la mort, c'est ce parfum-là. Parce que quand tu entres, tu mets ça dans ta maison. Tous les membres de la... Ah oui, tu sens bon, hein? Mais ils ne savent pas qu'ils sont également liés avec cette odeur. Tes enfants sont liés avec cette odeur. Toi-même, tu es lié avec cette odeur. Tous, partout tu vas arriver. La personne qui met le parfum avant de venir te voir, tu reçois une jeune femme dans ton bureau. Une jeune fille dans ton bureau. Elle a mis un parfum qui sent bon. Tu dis, hey, chérie, tu sens bon, hein? Alors que c'est par ce parfum-là, c'est ce parfum qui véhicule le démon qui va te lier à elle, qui va détruire ton propre foyer, qui va détruire ta destinée financière, qui va détruire ta vie. Et toi, tu ne le sauras pas. C'est seulement l'odeur. L'odeur qu'elle dégage, ou il dégage, tu dis c'est bon. Mais spirituellement, tu es lié, tu es détruit. Tu es détruit. Le parfum, donc, c'est une arme de destruction façonnée contre toi, façonnée contre les membres de ta famille. Et prenons cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cette arme qui a été façonnée contre moi, contre les membres de ma famille. Tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, problèmes physiques, tous ceux qui ont des problèmes d'étourdissement, des problèmes d'oubli. Le parfum utilise tous les sens. Mais on a vu tout à l'heure que le premier sens ici, c'est l'odorat. C'est pourquoi dans ta maison, tu ressens des odeurs bizarres. Parfois des odeurs de pourriture. Comme si une souris est morte quelque part, plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a des odeurs de poubelle. Mais en fait, il n'y a rien dans la maison. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui es en train de pourrir spirituellement. C'est un lien de mort. Un lien de mort. Par le parfum, l'esprit de mort entre. Par le parfum, l'esprit de mort sentimental entre. L'esprit de mort dans les finances entre. Dans tous les domaines. Tu dois également prononcer cette parole, tout obstacle à ma protection. Parce qu'on utilise des parfums pour se protéger contre les démons. C'est un obstacle à ta protection. C'est pourquoi tu n'es pas protégé. Jusque-là, tu as reçu le Seigneur. Tu te poses des questions, pourquoi je suis toujours attaqué? Pourquoi des maris de nuit, alors que j'ai reçu le Seigneur? Pourquoi des esprits de mort? Alors que tu avais utilisé des parfums auparavant, tu n'as jamais su que toi tu as utilisé. Et que c'est un hôtel dans ta vie, un hôtel spirituel dans ta vie. Parce que cet hôtel existe encore spirituellement. Puisqu'il n'a jamais été détruit. Pourquoi il n'a jamais été détruit? Parce que tu n'as jamais confessé. On n'a jamais prêché sur ça comme je suis en train de te l'expliquer. Que les parfums que tu as utilisés, ou tu sortais avec quelqu'un qui utilisait les parfums, il t'a placé dans l'hôtel. Tu sortais avec une femme qui aimait utiliser les parfums, il t'avait placé dans un hôtel. D'autres l'ont fait sans le savoir. Puisque lui-même païen dans son ignorance, il t'a fait cadeau des parfums. C'est pas qu'il était sorcier, mais le diable l'avait poussé à le faire. Parce qu'il voulait avoir, le diable voulait avoir ta vie. Il voulait avoir ton corps. Il voulait avoir ta beauté. C'est pourquoi quand tu te présentes devant un homme, l'homme t'aime. D'emblée, il t'aime. Mais deux jours plus tard, c'est la haine qui commence. C'est le rejet. La dame t'aime. Elle veut vraiment faire sa vie avec toi. Mais quelques jours plus tard, c'est le rejet. Ça ne va plus. C'est des mésententes. Des engueulades. Par les parfums, ça suscite, ces démons suscitent du désordre dans le foyer. Vous commencez à vous quereller. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vos discussions finissent toujours en queue de poisson. Que ce soit entre frères, que ce soit entre sœurs. Dans les familles, on met certaines familles, on met le désordre dans certaines familles, les divisions dans certaines familles, pas le parfum seulement. Tous les échecs du passé, au nom de Jésus, tous les échecs du passé, j'ai détruit. Toi-même, tu dois prononcer cette parole que j'ai détruit tous les échecs du passé. J'ai échoué à un mariage, les fiançailles étaient brisées, c'était un échec. Parce que une fille ou un homme a utilisé le parfum. Ceci a provoqué l'échec dans ma relation des fiançailles avec cette femme, avec cet homme. Ou bien j'ai fait un mauvais mariage parce que le monsieur m'avait charmé, parce que la dame m'avait charmé. Par le canal du parfum. Et ça a provoqué, lorsque tu es charmé, ça provoque les échecs dans tous les domaines. Échec financier, échec matériel, échec physique, c'est-à-dire la santé physique va disparaître. C'est pourquoi plusieurs d'hommes meurent des maladies bizarres, surtout les maladies cardiovasculaires. Beaucoup d'hommes, parce qu'ils sont toujours charmés par des femmes. Et si tu as l'argent, si tu as des richesses, tu es foutu. Et si tu as plusieurs femmes, une femme, deux femmes, même si tu as une seule, tu es foutu. Tous les échecs dans le domaine matériel, professionnel, dans les affaires, tu as échoué. Tes collègues, tes amis ont utilisé des parfums pour te détruire. Pour te détruire. Tu dois crier à l'Éternel, ô Seigneur, que l'ancienne pluie, elle doit disparaître et que la pluie de la bénédiction se répande sur moi maintenant. Comme j'avais l'habitude d'arroser le parfum sur moi, C'était la pluie de la malédiction. Au fur et à mesure que tu arrosais ce parfum, on avait déjà prononcé des paroles de malédiction. Quand il va arroser, chaque fois qu'il arrose, qu'il va arroser ce parfum, qu'il va mettre ce parfum sur lui, tu appuies et puis tu arroses le parfum sur toi. C'est la malédiction que tu arroses sur toi. Ce sont des paroles que ceux qui fabriquent le parfum, que ceux qui fabriquent, il y a deux façons de fabriquer, hein. On fabrique chez le fabricant, scientifiquement parlant, mais avec des pouvoirs mystiques. On fabrique aussi, on achète un parfum, on l'amène chez un féticheur, chez un marabout. Il fabrique ça aussi spirituellement. Ça, ça fait deux façons, deux manières de fabriquer. Seigneur, que tout le mécanisme d'échec, passant par le parfum, passant par Satan, ce que Satan a façonné, ce que les sorciers ont façonné contre ma réussite, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et je prononce que cette fondation, mauvaise fondation, ton père a utilisé les parfums. On a envoûté aussi ton père par le canal des parfums. Et pendant les fêtes de fin d'année, on t'a fait des cadeaux aussi, des parfums. Pendant le mariage, c'est des parfums. Un chaud gars qui t'aimait acheter des parfums. Alors que c'était un sorcier, tu ne connaissais pas réellement la profondeur. Quelqu'un a voyagé dans la famille, membre de la famille, il te garde le parfum. Et il a prononcé des imprécations en disant, quand tu vas arroser ce parfum sur toi, ça sera la pluie de la malédiction. Alors là, moi, je renverse ce mot au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas la pluie de la malédiction maintenant. C'est le sang de Jésus que j'arrose sur toi par la puissance du Saint-Esprit. Et tu dois prononcer cette phrase. Je reçois la puissance d'en haut et je paralyse tous les pouvoirs des ténèbres qui détournent mes bénédictions par le canal des parfums. Tous les pouvoirs des ténèbres qui détournent mes bénédictions par le canal des parfums. Que ces pouvoirs des ténèbres soient détournés, soit détourné au nom de Jésus-Christ. Et d'abord, la fondation doit être détruite par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, que toutes les sauterelles ici sont les démons, toutes les sauterelles, les chenilles et tous les vers, et aussi les souris, les cafards affectés pour manger le fruit de mon labeur, le fruit de mon travail, en passant par le parfum, que ce sauterelle, que ces cafards, vous savez, le démon utilise toujours ces gens, il se transforme toujours en cafard, en insecte, en sauterelle, et même les animaux domestiques, pour détruire. L'ennemi ne gâchera pas mon témoignage dans ce programme. À partir d'aujourd'hui, son programme de parfum, il a programmé ma vie dans le parfum. Il a programmé ma vie dans un flacon. Il ne gâchera pas mon témoignage. Il ne gâchera pas. C'est pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un, il te rend ce bien par le mal. Est-ce que vous savez que ça vient? Ça passe parfois par le parfum. Ce genre d'envoûtement. Tu es envoûté. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il te rend toujours le bien par le mal. Tu ne récoltes jamais ce que tu as sémé. Tu sèmes le bien, tu récoltes le mal, tout le temps. Donc, prenons cette parole. Que tout agent de honte façonné pour œuvrer contre ma vie, tout agent de honte, ce sont les démons, en passant par le parfum, que ce soit celui que mon père a utilisé, que ce soit celui que ma mère a utilisé, par la puissance du Saint-Esprit, les parfums que mes parents ont utilisés, fabriqués par les féticheurs, ou bien fabriqués par les vrais fabricants scientifiquement prouvés, au nom de Jésus-Christ, que tous ces manipulateurs sataniques, en passant par les parfums héréditaires, je sors de ces flacons au nom de Jésus-Christ. Tu dois prononcer cette phrase, que tu sors de ces flacons, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, tu entres dans le rocher de Christ et tu sors de la cage. Ma vie sort de la cage de la méchanceté. Ma vie sort de la cage de la méchanceté. on a répandu de mauvaises nouvelles contre toi. C'est un envoûtement qui passe par le cadenas. On raconte des mensonges sur toi. C'est un envoûtement qui passe par le parfum. Quelqu'un invente quelque chose, donc il commence à multiplier des mensonges, comme l'odeur du parfum. Mais toi, tu n'as jamais su que ils ont fait ça par le canal du parfum. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Par le canal du parfum, pour savoir qu'il y a des envoûtements dans ma vie, même dans la vie professionnelle, là où tu travailles. Quelqu'un invente quelque chose contre toi, il va raconter des histoires au chef. Et parfois même tu perds ton emploi. Parfois on va raconter des histoires à ton mari, à ta femme. Tu ne sais pas que c'est pas le parfum, la fondation ou bien l'hôtel, c'est ce parfum qui répand dans les démons de mensonges, de calomnies et parfois de grandes persécutions jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et tant chrétien né de nouveau, on répand toujours de mauvaises nouvelles, des mensonges, des calomnies. Et tu trouves ça normal. Ça ne te dit absolument rien. Voici, dis à haute voix, tout ce qui a été fait contre moi, pour gâcher ma destinée, pour détruire ma destinée, pour détruire mon témoignage. Que cette destruction soit projeté, que ces démons soient projetés dans l'abîme des ténèbres. Et je brise le flacon de ce parfum, là où il est caché, au nom de Jésus. Et je me lave dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus pour éliminer les odeurs de ce parfum, au nom de Jésus-Christ. Pour éliminer l'influence de ce parfum, au nom de Jésus, par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Tu dois également l'humiliation. Tu as été toujours humilié. Humilié par ton mari, humilié par un garçon qui te frappe, qui raconte, et pourtant il sort avec toi. Il t'insulte copieusement devant les gens. Le garçon t'insulte copieusement devant les gens. Tu ne te respectes pas du tout. Tu ne sais pas que c'est une autre fille dehors qui utilise un parfum. Elle met le parfum sur elle avant que ce garçon n'arrive, avant que ton mari n'arrive. Et quand ton mari va quitter cette femme, quand il arrive chez toi, alors il te regarde avec les yeux d'un lion qui veut sauter sur la proie. Qui veut sauter sur la proie. Est-ce que tu sais que c'est pas le canal fait avancer l'image? C'est pas le canal de ces pratiques. Par le canal de ses parfums. J'ai pas dit avancer. Que ça circule. C'est quoi ton problème? Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui t'empêche, qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Le pouvoir démoniaque qui se trouvait dans tous ces parfums. Tu es entré dans une maison. On a arrosé les parfums des véhicules. Est-ce que vous savez que beaucoup de parfums des véhicules provoquent des accidents, des démons d'accidents, des esprits d'accidents, des étourdissements? Tu es toujours comme quelqu'un qui a perdu la tête. Tu ne réfléchis même pas. Dans ta famille, les gens sont comme ça. Ils sont dans un flacon de parfums sataniques et démoniaques. Que Dieu soit dans mon foyer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'odeur du parfum spirituellement continue à régner dans ton foyer, dans les esprits. Et quand il règne, tu constates que même après le mariage, 3 mois seulement après le mariage, ton mari ne t'aime plus. 3 mois seulement après le mariage, toi aussi tu as perdu les sentiments positifs envers ton mari. Quelques jours seulement après avoir rencontré cette personne, dès que cette personne te rencontre sexuellement, c'est fini. Elle ne veut plus te sentir. Quand on dit sentir l'odeur du parfum, et c'est comment? Négatif. Dans ce programme de prière, tu dois dire, dans ce programme de prière, dans ce programme de prière, que tous mes ennemis se dispersent comme l'odeur des parfums. Se disperse souvent. disparaissent, comme l'odeur du parfum peut disparaître d'un habit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tous les ennemis peuvent être des microbes qui te rendent malade tout le temps. Les ennemis peuvent être des virus, mais ces virus sont activés par les sorciers, par les démons. La saleté provient de quoi? De la sorcellerie. Pour savoir que tu as les démons de pauvreté, de misère, tu aimes la saleté. Dans ta maison, c'est la saleté partout. On trouve les caleçons des enfants remplis de caca, de pupilles sur les chaises. Tu es sale. Ton lit, sale. Et puis tu prends le parfum, tu mets sur toi. Tu ne t'es pas lavé, tu prends le parfum, tu mets sur toi. Tu prends seulement le parfum, tu mets, comme ici en Europe, les gens ne se lavent pas. Il peut faire une semaine, il prend le parfum, chaque fois qu'il sort, il prend le parfum, il met sur lui. Mais il ne sait pas que c'est un envoûtement. Pour commencer, Seigneur Jésus, crée de l'espace pour mon avancement dans chaque zone de ma vie. Crée de l'espace pour mon avancement dans chaque zone de ma vie. Crée de l'espace. Crée de l'espace pour mon avancement dans chaque zone de ma vie. Regarde un parfum comme ça avec une tête de hibou, une tête de sissi. Scorpion. Jésus-Christ dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Et puis toi, tu prends ce scorpion, tu mets sur toi, disant que c'est le parfum. Jésus-Christ appelle le scorpion le démon. Le démon. Toute eau maléfique dans mon corps. Prenons cette parole. Toute eau maléfique. Les parfums, ce sont des eaux maléfiques. Que le sang de Jésus lave. Ils ont volé ta destinée, ce que tu appelles chance. Ils ont volé ça. Ils ont volé le mariage. Ils ont volé ton argent. Ils ont volé la vie professionnelle. Ils ont tout volé. Ils t'ont dépouillé. Tu as été dépouillé. Tout pouvoir empêchant la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Que ce pouvoir soit paralysé. Au nom de Jésus. Quel pouvoir? Le pouvoir qui passe par les parfums. Que vous appelez eau de toilette. C'est vraiment eau de toilette. Je verrai les bienfaits de l'Éternel sur cette terre. Noir divin. Voilà les noms des parfums que vous utilisez. Noir divin. Père éternel, donne des hommes maléfiques. Des hommes maléfiques. Ôte leur pouvoir. Renverse par la puissance du Saint-Esprit toutes leurs incantations. Et je renvoie tous les pouvoirs démoniaques qui sont passés par les parfums de diable, des démons, qui ont pénétré dans mon corps quand j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que ma mère mettait des parfums. Et ces parfums ont pénétré par le canal de sa peau, ont touché son sang. Et ce sang a alimenté ma vie. Donc ces démons ont alimenté ma vie. Que ces démons libère ma vie au nom de Jésus. Libère les cellules au nom de Jésus. Libère mon argent au nom de Jésus. Que les pluies de prospérité tombent dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'envoûtement par le parfum peut aussi te pousser à commettre des erreurs. Tu vas erreur sur erreur. Dans le mariage, erreur. Dans la vie professionnelle, des erreurs. Partout. Toujours des erreurs. Tu commets des erreurs. Dans tous les domaines, dans tous les départements. Et parfois des erreurs qui te coûtent cher. Où tu es blâmé, parfois même renvoyé. Ceux qui ont provoqué la honte en invitant les démons dans ma vie, en passant par le parfum. Que cette honte retourne sur eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont détruit ta vie, en détruisant ta vie, je lis chaque esprit d'esclavage. Tu es esclave d'un homme, esclave d'une femme, parce que cette femme t'avait envoûté pour exploiter ton argent. Elle doit recevoir ton argent, elle t'envoûte par le canal du parfum. Tu as oublié ta famille. On a envoûté ton mari par le canal d'un parfum. Ton mari t'oublie. On a envoûté ton copain par le canal des parfums. Toute femme dont les fiançailles se sont brisées, le foyer connaît des problèmes, sache que ça vient essentiellement du parfum. Le parfum, c'est le véhicule, hein? Mais il y a un monsieur, une dame derrière, qui utilise le parfum, maître les démons. Le parfum devient seulement un véhicule. L'odeur du parfum qui se répand partout, c'est ainsi que les démons vont se répandre dans ta vie, vont contrôler également toute ta vie. Une puissance satanique et démoniaque. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette toute mauvaise invitation. Invitation parce que on a invité les esprits. On a invité ton esprit à toi. En fabriquant le parfum, on a invité ton esprit. On a placé cet esprit dans le flacon du parfum. Comme ce qui se présente devant vous. Beaucoup de personnes achètent le parfum et le fabricant aurait prononcé des imprécations. Imprécation, c'est un souhait satanique. Que toute personne qui va utiliser ce parfum, son esprit entrera dans le flacon. Et son esprit sera, sa destinée sera utilisée. Pour que moi je devienne de plus en plus riche. C'est pourquoi ils sont extrêmement riches. Vous ne vous posez pas des questions, pourquoi? Je rejette toute mauvaise invitation. J'ordonne que toute pierre d'obstacle dans ma vie soit éloignée au nom de Jésus. Que toute pierre d'infertilité, parce que le parfum est là pour provoquer ce qu'on appelle l'infertilité. Dans le domaine du foyer, tu ne fais pas des enfants. L'infertilité dans les finances, l'infertilité dans les relations. Tu n'as que de mauvaises relations. Tu n'as que de mauvaises relations. À l'école, l'infertilité. Pas de sagesse, pas d'intelligence. L'infertilité, tu as des diplômes, mais tu ne trouves jamais le travail. Une belle fille qui ne trouve jamais le mariage. Il y a des femmes dont un homme n'avait jamais dit « je veux t'épouser ». Il peut le dire dans les blagues, mais pas en vérité, avec des preuves. Il y a des femmes comme ça, qu'un homme n'a jamais donné 100 euros, un homme n'a jamais donné 500 euros, 1000 euros. Donner comme ça, qui prend, il donne. C'est l'esprit d'infertilité. Même quand tu étais païenne, on t'avait donné combien? Numéro 666, Chanel. Vous voyez tout ça. Enfin, t'avais donné combien? Tu sortais avec les hommes. On t'avait donné combien? Quand tu es devenu chrétienne de nouveau, est-ce qu'on te donne? Tu remarques que on ne te donne jamais. On ne te donne jamais. Tu demandes même, tu ne reçois pas. Tu pries parce que tu répands une mauvaise odeur spirituelle. Même Dieu ne te donne pas. Tu pries, on prophétise même sur toi. Ça ne peut jamais s'accomplir. Pourquoi ça ne peut pas s'accomplir? Est-ce que tu es différent des autres? D'autres rendent témoignage, mais pas toi. Pas toi. Fleur d'anus. J'ordonne que toute pierre d'obstacle dans ma vie soit éloignée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute pierre d'obstacle dans ma vie soit éloignée au nom de Jésus. Que toute pierre d'infertilité, que toute pierre de manque de succès dans ma vie, de manque de succès, s'éloigne de ma vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par le sang de Jésus que tout cela, que toutes ces paroles sont prononcées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que le pouvoir de lier, de libérer descende sur moi. Maintenant, au nom de Jésus, et que ce pouvoir de lier, lui les démons, le Saint-Esprit, que tous les démons qui ont été envoyés par les différents parfums que j'ai utilisés dans le monde, que mon père a utilisé, que ma mère a utilisé, que mes fiancés, mes copains, mes copines, mes adversaires ont utilisé contre moi, que le pouvoir, les esprits, ces démons, soient tous liés au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il est le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé à la gloire éternelle. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera, il te rendra inébranlable. Que tout côté de ma vie, non crucifié, reçoive la touche du feu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tout côté de ma vie non crucifié. Je suis encore charnel. Je commets encore des péchés. Je suis encore charnel. Je suis encore attaché aux choses du monde. Ma vie est encore attachée aux choses du monde. Ma vie n'est pas encore attachée à la parole de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Je ne cherche pas la volonté de Dieu. Lorsque je veux demander quelque chose à Dieu, je ne cherche pas d'abord sa volonté. La Bible dit ici, du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit. Au lieu d'être ignorant de la vérité qui vient de Dieu, les chrétiens ont entendu Christ et c'est en lui qu'ils ont été instruits. Pas dans un domaine de la religion. Je suis catholique, je suis ceci, mais tu pries avec des idoles. Mais est-ce que Christ avait instruit à prier avec des idoles de Marie? À utiliser l'eau bénite? L'eau bénite n'est pas différente du parfum. L'eau bénite, qui a béni? C'est un prêtre. Est-ce qu'il est né de nouveau? Il n'est pas né de nouveau, il a encore le péché originel sur lui. Un prêtre n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Toi-même qui as reçu le baptême, il y a des gens qui pensent que être baptisé, c'est la nouvelle naissance. Non, c'est faux. Si du moins vous l'avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit, Matthieu chapitre 17, verset 5, ne peut absolument pas faire allusion à la voix de Christ qui s'est fait entendre ici-bas, puisqu'il n'existe aucune façon dont cela puisse être vrai de tous les chrétiens, que ce soit les chrétiens d'Asie, que ce soit les chrétiens actuels, puisque Paul écrivait aux Éphésiens. La vie sans Dieu rend cynique envers la vérité des impies. Les impies ici, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont réellement des croyants dans une religion. Ils croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas délivrés. Ce sont des impies. La vérité qui est en Jésus-Christ est donc avant tout la vérité sur le salut, dont la délivrance du péché originel. La vérité sur le salut. Le salut égale protection. Le salut égale délivrance. Première délivrance du péché originel. Deuxième délivrance des péchés héréditaires et malédiction. Troisième délivrance ton propre péché. Pardon, Dieu pardonne. Il te délivre aussi des différentes malédictions acquises. C'est ça la délivrance. Et après, il te protège. Après, te poser, la vérité en Jésus-Christ est celle qui conduit à la pleine vérité sur Dieu, l'homme, la création, l'histoire, le péché, la justice, la grâce, la foi, le salut, la vie, la mort, la raison d'être, le sens des choses, les relations, le ciel, l'enfer, le jugement, l'éternité et toute autre chose qui portera finalement ta vie sur le trône de Dieu. C'est ça la vraie vérité. La vérité de Christ révèle l'intensité de l'enfer, la puissance de l'enfer pour tous les rebelles. Mais le diable te dira que l'enfer n'existe pas. La vérité de Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nulle religion ne peut conduire qui que ce soit au ciel. Dans beaucoup de religions, on vous dit aujourd'hui que non, avoir une relation avec Christ, c'est dangereux. Dans la religion, un pape dit ça, que vous ne devez pas avoir une relation avec Christ, vous devez avoir une relation avec l'Église catholique. Mais c'est l'inverse des déclarations publiques. C'est tout à fait le contraire. Vous devez chercher à avoir une relation avec Christ, Jésus. Même si vous appartenez à une église locale. C'est ça le grand problème des êtres humains. Est-ce que vous avez donc été instruit? Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, utiliser des choses comme ça, vivre dans le luxe, ce n'est pas interdit pour un enfant de Dieu, mais sanctifier Christ, ça veut dire que où est la volonté de Dieu? Est-ce que moi, enfant de Dieu, je dois continuer à utiliser ce genre de parfum? Ça me lie avec les puissants des ténèbres. Ça me lie avec les puissants des ténèbres. C'est comme quelqu'un garderait un fétiche à la maison. Un livre satanique, des prières sataniques, des invocations d'esprit. Quelque chose qui vient de Satan. Tout ça, ça vient de Satan. Et puis toi, tu utilises ça allègrement, ça ne te dit rien. Tu es même dans la joie. Comme ça brille, regardez, ça brille, c'est tellement joli. Et tu prends ça, tu exposes dans tes toilettes. Tu es content. Pour démontrer la nature transformante de la régénération, l'apôtre Paul décrit et définit plus avant les réalités de Christ, à la vérité qui est en Jésus-Christ. Il dit à se dépouiller. On doit se dépouiller. C'est pourquoi les dernières paroles sur ce dépouillement, c'est la prière de délivrance. Les premières paroles, c'est connaître la vérité. C'est pourquoi j'ai expliqué les envoûtements sur le parfum. C'est connaître donc la vérité. Et puis, on doit donc prier. On a prié aussi. Et les prières continuent. Parce que c'est pas fini. On n'a pas fini avec le cadenas. On n'a pas fini avec le parfum. Chaque soir, nous choisissons un domaine. Et tu dois dire maintenant que la force de mener une vie sainte tous les jours de ma vie descend sur moi au nom de Jésus-Christ. Si toi, invoquer ça. Et que les démons, comme ce qui est écrit sur le parfum, mon démon, mon amour. Et que les démons que j'avais reçus par les imprécations, par les invocations, par les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche, par des outils que j'ai utilisés comme le parfum, qui répand un mauvais, une odeur abominable, que tout cela disparaisse dans ma vie. Au nom de Jésus, que la force de prospérer tous les jours de ma vie descende sur moi. Au nom de Jésus, la force de prospérer spirituellement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Ne venez pas seulement chercher la prière pour prospérer matériellement parce que vous allez mourir demain. Après, vous irez en enfer. À quoi sert cela sert-il alors? Il y a des gens qui viennent chercher les prières pour se marier. Alors, si le jour du mariage, pendant que le prêtre ou bien le pasteur est en train de bénir ton mariage, la Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, on sera transformés, on sera enlevés, on ira à la rencontre du Seigneur. Alors, au moment où on bénit ton mariage, puisque c'est le mariage qui t'a amené dans l'église, parce que tu veux le mariage, parce que tu veux l'argent, au moment que tu es en train de compter l'argent, au moment où on est en train de bénir le mariage, il y a d'autres qui viennent dans l'église parce qu'ils veulent les enfants. Ils veulent qu'on prie parce qu'ils veulent effectivement des enfants. Ou elle veut un enfant. Alors au moment où tu es en train d'accoucher, tu es déjà accouché, même tu es déjà à l'hôpital, sur le lit. Tu as déjà écarté les pieds, le médecin est là en train de tirer l'enfant dans le ventre. Et puis le son de la trompette, Jésus-Christ descend. Toi et ton médecin, vous restez. Je dis, toi et ton médecin, vous restez. Toi et ton pasteur, ou bien lui-même sera enlevé, le pasteur, lui, sera enlevé, et tu restes sur l'estrade, tu restes sur l'autel avec les habits du mariage sur le corps. Mais ça servira à quoi? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Que tout côté de ma vie, soit touché par la puissance du Saint-Esprit, soit délivré de tous les liens héréditaires, des pratiques de sorcellerie, passant par le parfum. Je dis passant par le parfum. Les parfums que j'ai achetés, les parfums que j'ai achetés avec mon argent, mais qui ont véhiculé les démons, les parfums que j'avais reçus comme cadeau, qui ont véhiculé les démons dans ma vie, et les parfums que le féticheur m'avait demandé d'acheter pour faire des imprécations, pour faire des incantations, ou bien les parfums que les hommes et les femmes ont utilisés pour me charmer, les parfums que les hommes d'affaires, ou bien les boutiquiers, les magasiniers, ceux qui ont des centres commerciaux, ont utilisé des parfums pour m'attirer, pour attirer la clientèle. Tous ces parfums qui m'ont dépouillé, ils ont dépouillé mon étoile. Que tous ces parfums, tous ces démons disparaissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je détruis ces envoûtements par la puissance du Saint-Esprit. Les parfums qui ont détruit mon foyer, qui ont détruit également l'argent dans mon foyer, l'amour dans mon foyer, les sentiments de mon mari, les sentiments de ma femme, ma santé physique, ma santé mentale, mon système de défense, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Tous ces parfums qui ont détruit tous ces systèmes, à partir d'aujourd'hui, leurs démons sont liés au nom de Jésus-Christ. Et je les envoie tous dans l'abîme des ténèbres. Que mon foyer soit sanctifié, que mes affaires soient sanctifiées. Que ma vie, la santé physique, mon corps, toutes les cellules de mon corps soient sanctifiées par la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu dois dire, Seigneur, avant que ce jeûne se termine, avant que ces séries de prières se terminent, que je puisse obtenir mon miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon miracle par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance, tu dois obtenir ton miracle. J'ai dit ton miracle à partir de maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la puissance de son esprit continue à se manifester. C'est la troisième vidéo de prière. Et comme c'est la troisième, il faut chercher à regarder la deuxième et la première. Ce sont des enseignements différents, les prières différentes. Tu dois également partager cette vidéo. Ça a enseigné beaucoup de choses. Tu dois également s'abonner. De cliquer seulement sur cet onglet, s'abonner, c'est là, en bas de cette vidéo. Tu dois s'abonner chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça va te permettre de recevoir l'annonce qu'il y a une nouvelle vidéo, même si c'est à minuit. Ce sont des vidéos importantes. Partagez à tous vos amis sur Facebook. Pour que le monde entier soit touché. Ce sont des prières qui sont importantes en début d'année. Pour vous, pour vos amis, les membres de vos familles, envoyez à vos enfants qui sont à l'étranger, à tous vos amis qui sont à l'étranger. C'est des prières, ce sont des enseignements suivis des prières. C'est pourquoi on commence par l'enseignement et puis suivi des prières puissantes. Et la quatrième vidéo, nous allons toucher le mariage. Ceux qui ont des difficultés dans le mariage, ceux qui ne parviennent pas à trouver le mariage, les envoûtements, il y a un démon spécial qui travaille dans le domaine du mariage. Il s'appelle Suleiman. Nous allons utiliser dans la quatrième vidéo qui va suivre après la troisième, Nous sommes donc à la troisième, quatrième là. Ne ratez pas cette vidéo. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je ne prêche pas en direct sur Facebook. Nous sommes toujours sur notre chaîne, Temple des Nations. Temple des Nations. Mais n'oubliez pas que le 2 février, le 3 février, le 4 février, tous ceux qui sont en train de suivre ce séminaire de prière, ce cortège de prière, des 30 jours, ne rate pas une seule vidéo. Ça veut dire que si tu as raté une vidéo, ça veut dire que tu as coupé. Tu as coupé. Tu as brisé la chaîne. Il faut chercher à regarder toutes les vidéos. C'est ça le diable, un cheval qui veut coucher avec un être humain. C'est ça le diable, ce que vous voyez sur votre petit écran. Les démons, les esprits impurs, qui fonctionnent de la sorte. Donc, vous prenez la décision d'être là le 2, le 3, le 4 février 2018, au Temple des Nations Paris, un grand séminaire, puisque la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous vous reconnaissez dans les vidéos, tout ce qui est dit, ça veut dire que vous avez une maladie spirituelle, physique, matérielle, financière. On doit prier donc physiquement sur vous. Vous ne devez pas rater ce séminaire. C'est très important pour vous, pour les membres de vos familles. Et c'est aussi le premier mois de l'année. Donc toute une année sera consacrée au Seigneur. Si vous offrez, si vous descendez dans ce temple ce jour-là, le 2, le 3 et le 4, sur l'adresse que vous voyez au bas de votre vidéo. Il y a l'adresse 47 avenue du Général Dylan, 95-330. Mais sachez que tous les dimanches, comme ce dimanche-ci, nous avons un culte spécial de délivrance. Tous les dimanches, tous les vendredis, des enseignements spécifiques, des délivrances, et je reçois. Il y a beaucoup qui appellent. Je ne peux pas faire tout au téléphone. Vous habitez Paris, mais descendez. Descendez. Vous venez tout simplement les vendredis 18h et les dimanches à partir de 9h sur cette adresse, Temple Nation. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh,